L'équipe coréenne s'est classée première à la Coupe du Monde pour dames de moins de 20 ans 2016 de la FIFA. À la finale tenue le 3 décembre, elle a battu les Françaises par le score de 3-1 pour gagner la Coupe et les médailles d'or.